Vous écoutez RQC en ligne. Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Les tartes claquent. Les lumières s'éteignent. C'est backstage. Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusqu'à 10h30, pardon, Scream, pour l'émission Backstage. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. Alors aujourd'hui, ben, j'ai choisi un big groupe anglais, encore une fois. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'écouter un extrait de l'album dont on va parler, qui date de 1991, et vous allez directement, j'en suis sûr et certain, trouver ce groupe. C'est parti, et après bien entendu on rentrera dans le vif du sujet. At my innuendo, do to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your tempo, be free, be free. Surrender your ego, be free, be free. Alors voilà, j'espère que vous avez reconnu ce grand groupe, hein. Déjà rien que par la particularité de la voix du chanteur, il s'agit bien entendu de Queen, et là on a décidé de vous parler, enfin j'ai décidé de vous parler de l'album Innuendo, le dernier album enregistré de Freddie Mercury, malheureusement qui nous avait quitté. On en parlera d'ici quelques minutes, hein. Bien entendu, de la perte de ce grand chanteur. Quand on dit dernier album, c'est vraiment le dernier album studio, parce qu'après, il y a eu l'album Fabriqué au Paradis, Made in Heaven, qui était des chutes, des reprises, et tout. Mais là, c'est vraiment le dernier album studio de Freddie Mercury. Queen, donc, avec l'album Innuendo, titre éponyme, qu'on vient de s'écouter. Alors, on va commencer, hein, le Royaume-Uni, ben, c'est un groupe anglais, Queen. Ça, vous l'avez deviné. Excusez-moi. Alors, il est considéré comme du rock progressif, du glam rock, du heavy metal, du hard rock, de l'opéra rock, du pop rock, de l'arena rock, du rock psyché, du blues rock. Les instruments qui sont généralement représentés, c'est du piano, synthétiseur, guitare électrique, guitare acoustique, guitare basse et batterie. Ils sont en activité depuis 1971. Ils sont sur le label Capitol, Parlophone, EMI, Hollywood, Iceland et Elektra. Alors les influences, les Beatles, les Rolling Stones, Led Zepp, Pink Floyd, Doo Woo, Black Sabbath, Slade, Deep Purple et David Bowie. Donc Queen est un groupe de rock britannique formé en 1970, donc en 1970, à Londres par Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor. Ces deux derniers étant issus de groupe Smile. L'année suivante, le bassiste John Deacon vient compléter la formation. Il est considéré comme l'un des plus grands groupes rock britanniques à succès depuis 1970. Queen a vendu plus de 300 millions d'albums à l'échelle internationale en 2009, dont 32,5 millions aux États-Unis. Selon un sondage d'opinion commandé en Grande-Bretagne par la BBC 2 et paru en 2007, Queen est considéré comme étant le meilleur groupe britannique de tous les temps. devançant les Beatles et les Rolling Stones, Queen est aussi l'un des pionniers du clip vidéo, ayant exploité ce monde de communication dès 1975. Queen a conservé, après la mort de son leader, Freddie Mercury, en 1991, de très nombreux admirateurs inconditionnels dans le monde entier. Donc, l'avant Queen, de 1968 en 1971, vers la fin des années 1960, le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor sont membres d'un groupe semi-professionnel dans la région de Londres nommé Smile, avec Tim Stenfeld en tant que bassiste-chanteur, Freddie Mercury qui à cette époque porte toujours son vrai nom, Farrokh, Freddie donc, Bulsara. Et l'ami et camarade de chambre de Tim Stenfeld au Inling Art College et suit de près la carrière du groupe. En tant que meneur et chanteur d'un autre groupe universitaire, tel que Ibex en 1969 et Sour Milk Sea en 1970. Mercury a très envie de partager ses autres groupes, Humpy Bong, et Mercury doit pousser Brian May et Roger Taylor à continuer l'aventure. Au passage, il finit par imposer leurs nombreux noms, Queen, qui remplit plusieurs critères chers à Freddie Mercury. Court est donc... Attendez, je me suis perdu dans ma ligne. Court est donc facile à retenir, assez pompeux et irréversurieux à la fois. Queen signifiant reine, mais également homosexuel en argot britannique. Le groupe procède à des essais avec plusieurs bassistes en cours de cette période sans grand succès. Parmi les bassistes méconnus ayant auditionné et joué avec le groupe, on peut noter Mike Gross jusqu'au août 1970, Barry Mitchell jusqu'en janvier 1971, ou encore Doug Boogie jusqu'à l'arrivée de John Deacon en février 1971. Voilà, après je vais vous parler un petit peu de l'aube de son unique, parce que oui, Queen avait un son unique aussi, hein. Ils ont apporté énormément à la musique, mais là on va s'écouter un deuxième titre de l'album Innuendo que je trouve franchement super, et quand je pense que je devais aller voir cette tournée, malheureusement on s'était dit, bah, on ne savait pas encore, car il a déclaré très tard qu'il était malade. Dès la sortie de l'album, je me rappelle, on avait dit avec un poteau que oui, l'album il est génial, ben maintenant on n'attend plus que la billetterie, quoi. On attendait et ce jour n'arrivera malheureusement jamais. Allez, on va s'écouter I Am Going Slightly Mad de Queen, l'extrait de l'album Innuendo. When the outside temperature rises and the meaning is oh so clear, 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. I'm slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, finally happened. Finally happened. I'm slightly mad. I'm going slightly mad, pardon, c'était Queen, extrait de l'album Innuendo. Donc on continue un petit peu à vous parler un peu de ce groupe pharaonique, hein, c'est le cas de le dire. L'aube d'un son unique. Il leur faudra attendre février 1971 pour rencontrer John Deacon et commencer à répéter pour l'enregistrement de leur premier album. Au début de sa carrière, Queen est un groupe profondément influencé par de nombreuses références issues du rock progressif, principalement des compositions de durée assez longue, une orchestration complexe et des paroles basées sur un monde onirique et fantastique. Cette tendance à tout particulièrement pardon, notable de leurs deux premiers albums. En 1973 sort donc chez EMI leur premier album Queen qui recevra une excellente critique de la part de Gordon Fletcher du magazine Rolling Stone. Il en dira « Leur premier album est superbe, bien qu'il ait, comme l'ait fait remarquer May, été enregistré avec peu de moyens dans des conditions difficiles et demander 2 ans de travail. Pour le Chicago Herald, il s'agit d'un début au-dessus de la moyenne. Malgré cela, l'album n'arrive pas à capter l'attention du public puisque le single Keep Yourself Alive, composé par Brian May, se vend mal. Ce premier opus est fortement teinté de heavy metal et de rock progressif. En 1974 sort l'album Queen 2. Donc Queen 2, on y trouve quelques-unes des rares compositions du groupe faisant la part belle à la guitare acoustique. C'est à partir de ce moment que Queen commence à se constituer un public et à réussir commercialement parlant dans cet opus. Leur style est plus abouti et ils se lancent dans une musique rock mélangeant solo, psychédélique, envolée baroque et effets flamboyants, jouant avec les cœur et multipliant les changements de rythme. Alors qu'ils partent en tournée aux États-Unis avec Matt de Hoople, dont ils assurent la première partie, ils commencent à se faire remarquer par leurs prestations scéniques engageantes et de bonne facture. L'album finira cinquième dans le classement des meilleures ventes au Royaume-Uni. Un single sélectionné, Seven the Sea of the Wreath, se hisse quant à lui à la dixième place et sa catégorie en offrant ainsi au groupe son premier réel succès. Cependant, malgré la tournée, les ventes aux États-Unis ne décollent toujours pas. La couverture de l'album du groupe de Queen 2 en 1974 montre sur un fond noir les quatre membres du groupe dans une pose d'inspiration quelque peu gothique, certes, sert de base visuelle. L'année suivante, deux albums plus tard, pour le clip vidéo du futur hit mondial Bohemian Rhapsody. Nous allons s'écouter le troisième extrait, Headlong, donc de l'album Innuendo. Yes. Mais quel grand groupe hein, quand même, Queen. Hein. Là, c'était Headline, donc c'était le troisième extrait de l'album Innuendo, sorti en 1991. C'est le backstage donc, consacré à cet album magnifique. Hein. Donc, début d'une réelle percée. Plus tard, la même année, le groupe enregistrera et sortira l'album Sheer Hear Attack. L'album se vend ainsi bien au Royaume-Uni qu'en Europe en général et finit disque d'or aux États-Unis, donnant au groupe un avant-goût des succès à venir. On y retrouve un mélange de styles assez étonnant, allant du musical britannique au heavy metal, en passant par des ballades du ragtime et même un peu de musique des Caraïbes. C'est à partir de cette période que Queen se dissocie du mouvement rock progressif des débuts pour se rapprocher d'un style de musique plus aisément diffusable à la radio. Le titre Killer Queen grimpe au second rang des classements britanniques et entre finalement dans les classements américains. À la 12e place, il s'agit d'une intéressante composition teintée de vaudeville façon musical, servie par le jeu de guitare de Brian May. Le second single, No I Am Here, de facture hard rock plus classique, finira à la 11e place en Grande-Bretagne. Pour la tournée de promotion en 1974 de Sheer Hear Attack, Queen rajoute au fameux Rainbow Theatre de Londres, salle que le groupe a eu l'occasion de découvrir plus tôt en mars la même année, lorsque le film concert de Led Zeppelin The Strong The Remain The Same sortira dans les salles en 1975, des extraits de ce concert de Queen seront diffusés au début de la projection. Au cours de l'année 1975, Queen enregistre et sort A Night at the Opera, titre venant d'un des films de Marx Brothers. À l'époque, c'est l'album le plus cher jamais produit. Il comprend l'immense succès international Bohemian Rhapsody, composé par Freddie Mercury et qui demande à lui seul 3 semaines de travail en studio. Ce titre sera numéro 1 pendant 9 semaines consécutives à sa sortie. Plus encore, 5 semaines d'affilée lorsque Mercury viendra à décéder en 1991. En 1992, le succès du film Wayne's World, film comédie hein, que je vous conseille de regarder si vous voulez, auprès des jeunes du jeune public donnera un second souffle au morceau. Finalement, ce titre finira 3e single britannique le plus vendu de tous les temps. La maison de production du groupe, il s'agit alors de Trident Label du groupe EMI, souhaitait à l'origine raccourcir le morceau pour faciliter sa diffusion radio. You're My Best Friend, second single, est une des rares de compositions de John Deacon, s'offrira lui aussi un beau succès mondial. Globalement, l'album est d'une des richesses et d'une diversité peu commune pour l'époque. Par exemple, sur The Prophet's Song, long de 8 minutes, le groupe joue sur les mouvements de son de stéréophonie et avec une simple phrase vocale répétée grâce à l'effet Dilly sur de multiples pistes donne une impression de chant choral à l'ensemble. Énorme succès dans leur pays d'origine. L'album offrira à Queen un triple disque de platine aux États-Unis. À la même époque, leur manager Jim Beach négocie la rupture du contrat liant Queen au label Trident et quitte la direction commerciale du groupe. Parmi les options proposées à Queen, on peut noter la proposition faite par Peter Grant, manager de Led Zeppelin. Cependant, ce dernier souhaitait les faire signer sur la propre maison de disques de ce groupe, ce que Queen ne peut accepter. Ainsi, ils finiront par contacter John Reed, qui s'occupe entre autres d'Elton John. En 1976, le groupe retourne au studio pour enregistrer ce qui sera souvent perçu comme le pendant du précédent album A Night of the Opera, intitulé A Day of the Race, titre lui aussi emprunté à un film des Marx Brothers. Il reprend une ouverture assez similaire de son prédécesseur, avec une légère variation du logo, cette fois-ci sur le fond noir. Quoique très bien reçu, tant par les critiques que par les inconditionnels du groupe, l'album peine à égaler A Night of the Opera et se vend moins bien. Le titre phare de l'album Somebody to Love s'inspire du Godspell et Mercury, May et Taylor multiplient leurs prises de voix en studio afin d'en faire un chœur d'une centaine de voix. Ce titre prendra la 13e place des classements aux États-Unis et la 2e place au Royaume-Uni. Cette même année, Queen donne un fameux concert gratuit au Hyde Park à Londres. L'auditoire sera officiellement estimé plus ou moins à 150 000 personnes, bien que plusieurs sources avancent un chiffre proche des 180 000. Plus généralement, une fourchette aussi entre 150 000 et 200 000. On va pas chicaner sur quelques têtes de plus, hein. En comparaison, le concert du Live 8 en 2005 donné à Londres, qui rassemble certains des plus grands artistes de cette dernière décennie, au nombre duquel il y avait The Who, U2, Madonna, Coldplay, Elton John ou Robbie Williams, et a vu se réunir pour l'occasion le groupe Pink Floyd, a attiré une audience estimée à 150 000. Donc vous voyez, Queen déjà à cette époque-là va attirer énormément de monde. Nous, on va arrêter de papoter là, on va s'écouter I Can Live With You, mais juste avant, on va s'écouter ceci. Ah, que faire de mon temps libre ? Eh, t'es bien tombé, pile sur RQC. Passionné ? Envie de partager et animer ta propre émission ? Rejoins une équipe motivée et volontaire au sein de la doyenne des radios libres. RQC Recrute. Envoie ton courrier à RQC, Animation Média Picardie, au 2A rue Roger Saint-Langros, à 7700 Moucron. Ou par mail à bonjour@rqc.be. Bonjour@rqc.be. RQC. Backstage, les coulisses du son. Think that I don't care, but I traveled a long road to get a hold of my sorrow. Tried to catch a dream, but nothing's what it seems. Love is saying, baby, it's alright. When deep inside you're really petrified, love turns to hate. All this as you're later. Oh, I can live with you. Maybe there's been some mistake. We try to make a high score. We're walking through a closed door and nobody's winning. I Can Live Without You, extrait de l'album Innuendo. C'était le quatrième extrait, donc on s'écoutait. Donc là, je vais un petit peu passer quelques péripéties du groupe, hein, parce que sinon, il y a énormément de choses à dire sur Queen. Faut savoir que en 1983 à 89, ils sont repassés au rock, vraiment, voilà. Après avoir travaillé sans relâche pendant plus de 10 ans sur scène et en studio, Queen décide de ne pas assurer une tournée, par exemple, en 1983. Pendant cette parenthèse, le groupe enregistre l'album The Rocks et plusieurs membres du groupe lancent des projets annexes causant d'incessantes rumeurs de séparation qui... que beaucoup de gens ont cru hein, que la carrière était finie, mais sort un mini-album Starfield Project auquel collabore même Eddie Van Halen. À la sortie de The Rocks, Queen établit un pont entre le rock et le pop grâce à des titres comme Radio Gaga, fameux titre hein, Radio Gaga, I Want to Break Free, ce qui marcha même dans les discothèques, qui sera utilisé comme hymne pour plusieurs mouvements, même démocratiques, brésiliens tout d'abord, puis comme musique publicitaire pour la compagnie de boissons pétillantes brunes et des tubes de hard rock comme Hammer to Fall et Tears Up, taillés pour des concerts. Malgré ses qualités, l'album se vendra à nouveau très moyennement aux États-Unis jusqu'à I Want It All en 1989 qui se hisse au troisième rang aux États-Unis. Alors il y a aussi I Want to Break Free, le clip donc est une parodie d'une série télévisée britannique célèbre intitulée Coronation Street. Cependant, comme les membres du groupe y apparaissent travestis, le public n'a pas vraiment saisi la référence, sans doute influencée par la réputation sulfureuse de Mercury. Fin 84, Queen s'embarque pour une série de dates en Afrique du Sud, dans une ville de Sun City, et leur retour en Angleterre, ils sont au sujet d'une virulente critique ayant joué dans ce pays aux pires heures de l'apartheid. Il faut aussi dire qu'ils ont fait si mes souvenirs sont bons, ils ont joué aussi pour la tournée A Kind of Magic, aussi l'album A Kind of Magic, qui figure aussi pour la bande originale du film Highlander, que je vous conseille de regarder. Voilà, donc il y a énormément de choses sur Queen. Voilà, donc en 1986, hein, Queen sort l'album Kind of Magic avec plusieurs titres destinés au film Highlander. Avec We Want to Live Forever, Princess of the Universe, A Kind of Magic, Friend, You Will Be Friend. Alors, nous, on va s'écouter un extrait, puis après, je vous parlerai un petit peu de l'album, justement, Innuendo. On va s'écouter Don't Try It So Hard de Queen. If you're searching hard for something, don't try so hard. If you're feeling kind of nothing, don't try so hard. When your problems seem like mountains, feel the need to find some answers, you can leave it for another day. Don't try so hard. But if you fall and take a tumble, it won't be fun. If you fail, you mustn't grumble. Thank your lucky stars. Just savor every mouthful and treasure every moment. When the storms are raging round you, stay right where you are. Don't try so hard, apparemment, d'après ce qu'on raconte, c'était le dernier titre vraiment enregistré de Freddie Mercury. Alors, l'album, lui, Innuendo, est sorti le 4 février 1991, et le lendemain, donc, aux États-Unis, le 5 février 1991. Il a été enregistré de mars 89 à novembre 90 au Metropolis Studio de Londres et au Mountain Studio à Montreux. La durée de l'album fait 53 minutes 48. C'est du genre du rock progressif et du hard rock. C'est Queen et David Richards à la production sur l'album Parlophone et Hollywood Records. Innuendo est le dernier album studio de Queen du vivant de Freddie Mercury. Il sort le 4 février. et quelques mois seulement avant la disparition de ce dernier. Innuendo est marqué par une atmosphère sombre empreinte de tristesse et de mélancolie. La chanson Innuendo, qui donne son titre à l'album, n'est pas sans rappeler les débuts du groupe. En effet, le premier album de Queen sont caractérisés par le même genre d'envolée lyrique de la part de Mercury aux frontières de l'opéra et du hard rock. Les autres chansons majeures, dont I am going slightly mad, the Are You There, Is Your Life, ou le célèbre Show Must Go On, sorte de testament de Freddie Mercury. Freddie Mercury rappelle aussi que Delilah, chanson dédiée à l'un de ses chats, qu'il garde néanmoins un certain sens d'humour. Bien que les morceaux de l'album portent la signature de quatre membres du groupe, comme c'était le cas avec l'album The Miracle, leur précédent opus, le témoignage de Brian May et de Roger Taylor ont permis d'attribuer à chaque morceau son ou ses véritables créateurs. La liste est ici, que je vous dirai tout à l'heure. L'édition vinyle comporte une version raccourcie de plusieurs chansons. Les illustrations de la pochette sont inspirées de celles du caricaturiste français Grandville. Alors nous on va s'écouter Ride the Ride de Queen et on se retrouve tout de suite après. Ride the wild wind. Gonna ride the whirlwind. It ain't dangerous enough for me. Get your head down, baby. Yeah. We're gonna ride tonight. Your angel eyes are shining bright. I wanna take your hand, lead you from this place. Gonna leave it all behind. Check out this rat race. Ride the wild wind. Hey, hey, hey, hey. We're gonna ride tonight. Yeah. We got freaks to the left. We got jerks to the right. Sometimes I get so low. I just have to ride. Let me take your hand. Ride the wild wind. It ain't dangerous. Ride the Wild Wind, c'était les Queen, donc sixième extrait de l'album Innuendo. Alors le 23 novembre 1991, Freddie Mercury, dans un communiqué préparé sur son lit de mort, admet finalement qu'il souffre du sida. Dans les 24 heures suivantes, il meurt à l'âge de 45 ans. Ses funérailles seront privées, respectant à cela les préceptes de la religion de sa famille, le zoroastrisme. Voilà, donc on va s'écouter un extrait donc la chanson qu'il avait écrite pour son chat, Dilila, et pas après on se retrouvera pour se dire au revoir. Dilala. Dilala. Voilà, donc c'était Queen, extrait de l'album Innuendo, Dilila. Voilà, une chanson qu'il a écrite pour son chat. Voilà, c'était Freddie Mercury. Nous, aujourd'hui, c'était Queen, Innuendo, le backstage, donc album sorti en 1991. Et voilà, ça fait 26 ans, le 23, ça fera 26 ans que Freddie Mercury a tiré sa révérence. Grand, grand monsieur. Et nous, on va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau backstage. Et ce que Queen a bien fait, après la perte de Freddie Mercury, la chanson elle parle de même. The show must go on, le show doit continuer. Et nous, on se quitte avec ceci. Ciao, les amis. Allez, the show must go on. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on,